Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Une autre année bien remplie se terminera bientôt. Profitons de ce temps des fêtes pour prendre un peu de recul et refaire nos forces. Je vous invite à réserver cette période pour fraterniser et célébrer avec vos proches dans l'harmonie et la chaleur de vos foyers. Pour 2017, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. C'est la chronique des Saguenay de Chicoutimi avec notre ami Sébastien Morin. Salut Sébastien! Salut! Sébastien, on m'a souhaité une bonne et heureuse année, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et peut-être à tout le moins là, de rentrer dans le carré d'as. C'est dans mes souhaits de 2017 pour les Saguenayens puis de rentrer dans le carré d'as, puis ce serait le fun un peu. Là. Ben, merci beaucoup Daniel, je te retourne à pareil. Bonne chance à toi, bonne année 2017, santé, bonheur, prospérité. Puis je vais surtout partir des sacs, plusieurs victoires, puis effectivement, le parcours le plus long possible dans les séries éliminatoires qui promettent d'être très, je dirais, intéressant pour les Saguenay de Chicoutimi. La période de transaction qui se termine vendredi midi, il y a des gens qui nous réservent peut-être encore quelques surprises, qui sait. On va le savoir d'ici la fin du voyage. Là, on quitte là, dans les prochaines minutes pour Gatineau, puis pour les matchs de demain soir à Gatineau et vendredi soir du côté de Boisbriand, mais je pense que la deuxième moitié de la saison 2016-2017, la première portion de la prochaine année, elle va être très, très, très intéressante pour les partenaires des Aigles. Hey, Sébastien, il faut que tu me comptes quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du match de la semaine passée contre le CNIC de Rimouski? C'est sûr qu'on était en vacances, donc on suit un petit peu moins ça. Mais les Saguenay avaient perdu 7-0, mais finalement, il y a l'entraîneur de le CNIC, Serge Beausoleil, qui a aligné un joueur qui était suspendu, et les Saguenay ont gagné par défaut. Non, mais c'est faut-tu blâmer Serge Beausoleil? C'est quoi l'affaire, là? Tu sais, il me semble que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Les suspensions de moins de 3 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il n'y a aucun communiqué de presse qui a été mis par la Ligue. Okay. Il y a seulement le directeur général puis peut-être quelques personnes dans son entourage qui sont au courant à ce moment-là. Si le DG n'avertit pas le joueur n'est même pas au courant qu'il est suspendu dans la LHJMQ. Il n'y a pas de communication directement de la Ligue envers les joueurs pour leur dire qu'ils sont suspendus. Peut-être que ça, c'est un point qui sera amélioré dans les prochains mois. Pour le CNIC de Rimouski, semble-t-il que la seule communication qui se faisait, c'était directement au directeur général, qui est Serge Beausoleil. Aucun administrateur, aucune secrétaire, personne dans l'entourage n'était mis au courant par la Ligue des suspensions dans l'équipe. Puis ça a changé depuis la victoire de 7-0-0-7, l'appelle ça comme tu veux. Il y a plusieurs affaires qu'on peut regarder de ce côté-là. J'en jasais avec Michel Germain, le directeur de l'Océanique de Rimouski, quand il était de passage ici samedi dernier. Et puis, l'erreur est humaine. C'est dans une période faste. la suspension est arrivée au dernier match là, le 17 décembre. Il a reçu un courriel le 18, il était en vacances, il était à l'extérieur, puis c'est comme tombé en deux chaises. Ça peut arriver. L'Océanique a pris des mesures pour ne plus que ça arrive dans le futur. Puis, je veux pas blâmer personne parce que ça peut arriver à n'importe qui, je dirais, une technicalité administrative de cette académie-là. C'est plate pour l'Océanique. Merci pour nous. On a parti avec les deux points. Comme je dis en blague, là, les équipes championnes réussissent toujours à trouver un moyen de gagner. Les Sacs, même marquant aucun but en se faisant marquer 7, on est parti avec le 2 points de Rimouski. OK. Donc, c'était. On va le prendre pareil, malgré que dans ce match-là, je pense que le pointage ne dit vraiment pas l'allure du match, là, ou encore les Saguenay, mettons, n'ont pas sorti le gros match, là. Ben, ça n'a pas été un mauvais match. En frais de chance de marquer, ça a été plus élevé du côté des Saguenay que du côté des Huskies. Les gardiens ont connu une très mauvaise soirée de travail, je dirais, mercredi soir dernier du côté des Huskies. Ça peut arriver. Les deux, ce soir-là, ils ne l'avaient pas. Ça c'était très difficile dans le filet. Les joueurs des Saguenay n'ont pas été capables de combler un peu au manque du côté devant le filet. Mercredi dernier du côté de Rimouski. Le gardien de l'Océanique a été excellent. Encore une fois, le gardien Lagacé a été très, très bon. Comme samedi dernier quand il était ici à Chicoutimi, mais cette fois, on a réussi à force de travailler autour du filet de jouer. Mm. C'est peut-être ce qui a manqué un peu, c'est le support. Les buts, le jeu de la semaine, là, ça se marque une, deux fois peut-être dans trois ou quatre matchs donnés, mais la plupart du temps, c'est des retours de lancer, des lancers au filet, forcer autour du but, mettre du trafic devant le gardien. Ça a peut-être été un peu plus déficient dans ce match-là, mercredi dernier, du côté de Rimouski. Il y avait une grosse foule, c'était intimidant, il y avait un gros côté là-bas. Ça a peut-être été un peu plus difficile pour les joueurs des Saguenay ce soir-là, mais je pense qu'on s'est bien repris là, dans les deux victoires de la fin de semaine, le vendredi, samedi dernier, semaine au centre. OK, donc vendredi, c'était une belle victoire de 4-3 des Saguenay contre Victoriaville. Exactement, ça a été un très, très, très bon match. En fait, ça a été deux très bons matchs de hockey junior à la maison en fin de semaine. Ouais. Ça a frappé, ça a joué physique, ça a marqué des beaux buts, il y a eu des beaux arrêts des gardiens de but de part et d'autre. Ça a été des bons matchs de hockey junior. Les joueurs climat ont fait sentir leur présence sur la grande patinoire. Dans le premier match, on voyait qu'il nécessitait quelques ajustements. Les deux se connaissent tellement qu'ils se regardent même plus pour se faire voir, très honnêtement. C'est impressionnant à voir la vitesse à laquelle ils font les jeux. Et c'est des bons marqueurs de but et tout ça. Mais tu voyais que, tu sais, la largeur de la glace, on aurait dit que les angles de passe étaient un peu mélangés là, dans leur tête. Puis ça s'est très bien ajusté, entre autres, pour le match de samedi. Pas qu'ils ont connu un mauvais match vendredi, mais on a vu qu'ils ont nécessité quelques ajustements. C'est des joueurs très intelligents, des joueurs physiques, des joueurs qui n'hésitent pas à aller défendre les coéquipiers quand ça brasse, puis capables de marquer des gros buts. Dans le cas de Kelly, dans le cas de Kevin, on a fait sentir la présence là, dans les deux matchs de la fin de semaine. Avec Kratel, en plus, qui a marqué de but victorieux dans la victoire de samedi. Les vétérans et les nouvelles acquisitions ont fait sentir leur présence. Il y a plusieurs joueurs présentement qui sont un petit peu sur la corde raide, je dirais, dans l'alignement des Saguenay. Il y aura sûrement d'autres acquisitions faites par le directeur général Yannick Jean. Brendan Hamelin a été excellent. 3 buts dans les 2 matchs en fin de semaine. 1 vendredi, 2 samedi. C'est des gars comme ça. Jake Smith a marqué un gros but dans le match de vendredi aussi. Des gars comme ça se doivent d'en donner un peu plus là, présentement parce que peut-être qu'ils devront penser à travailler ailleurs ou il y a des choses qui vont se passer là, dans les prochains jours pour les Saguenay. On s'en va sur la route présentement, mais les deux performances qu'ils nous ont données, en plus dans le match de samedi, là, on tirait de l'arrière par 2-4 à un moment donné du côté des Saguenay. On a réussi à l'emporter 5-4 en prolongation. C'était un excellent match de hockey, encore une fois, samedi. Là aussi, physique, après les coups de filet, ça brassait pas mal. C'est un petit peu la stratégie des deux entraîneurs qui se sont présentés ici, mais on a vu une belle vitesse, là, puis la transition, puis les passes entre les défenseurs et les attaquants. Ça patinait fort là, dans les deux matchs en fin de semaine. Les spectacles risquent d'être très intéressants pour la deuxième moitié de saison. OK. Si tu permets, il reste beaucoup de publicité, Sébastien, donc des fêtes. On fait une pause. Je veux te parler du hockey, du championnat de hockey junior. Il y a seulement 10 125 spectateurs et c'est la grosse histoire à Montréal. Donc, vous êtes à l'écoute de la chronique des Saguenay. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève. Et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. La direction et le personnel du garage Gérard Tremblay profitent de ce moment de réjouissance pour remercier sa clientèle qui l'encourage année après année. Joyeux Noël et bonne année! Ce sont les vœux du garage Gérard Tremblay situé au 165 boulevard Dequin à Dolbeau-Missisni au numéro de téléphone 418-276-0060. Et n'oubliez pas que nous serons toujours là pour bien vous servir pendant la prochaine année. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des camions de transporteurs et des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionneurs sont situés au 905 boulevard Amel à Saint-Félicien, au téléphone 418-679-4194. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missassigny, au numéro de téléphone 418-276-9383 ou le remorque2000.com. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On est de retour à danradiosport.com. Sébastien, le Canada l'a emporté hier contre la République tchèque et ils s'en vont maintenant contre la Suède en demi-finale. Mais la grosse histoire à Montréal, c'est 10 125 spectateurs. Évidemment, j'écoute le 91.9 ce matin et on en parle énormément. Comment t'expliques ça? Bon, on met beaucoup la faute sur les prix des billets. Mm-hmm. Donc, est-ce que t'es écoute, c'est vrai que c'est cher. Là. Quand t'es rendu à 200$ pour du hockey junior, là, ça avait beau être l'élite du hockey junior, c'est beaucoup d'argent. Mais tu payes ça pour un match canadien Wild ou canadien Columbus ou canadien... Ben, Columbus sont bons, c'est pas un bon exemple, là, mais canadien Panthers, canadien Hurricane, canadien... Tu sais, des équipes qui attirent pas, des équipes plates, tu payes ça pour aller voir le canadien. Pour des matchs de, comme tu l'as dit, de l'élite du hockey junior, les moins de 20 ans, les meilleurs au monde, c'est un prix qui peut être, peut sembler élevé pour certains, d'autres peut-être pas, parce que dans l'Ouest, ça peut être plus cher que ça quand ça se tient là, à Calgary, à Edmonton ou encore dans le coin de Vancouver. L'argent, il y a peut-être un peu plus d'argent dans ce coin-là. Mais ce qui explique aussi, c'est que Montréal, c'est pas un marché naturel pour le hockey junior. Il faut se poser la question aussi à Montréal. Le Canadien fonctionne très bien. L'impact commence à marcher. Les Alouettes, ça va moins bien depuis quelques saisons. Puis là, c'est plus plein comme ça l'était dans le cas. Et, dans le cas du championnat mondial de hockey junior, oui, Montréal, c'est une belle ville, c'est un bel amphithéâtre et tout ça, mais je pense pas que c'est nécessairement le marché le plus naturel pour avoir un championnat mondial de hockey junior. Je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus de monde du côté de Québec, mais pas tant plus. T'sais, un match quart de finale, 10 000, c'est pas si pire que ça. C'est quand même une excellente foule pour du hockey junior. Tu voyais dans le quotidien ce matin, Phil Desgagné, qui parlait de son expérience quand il était allé à Malmö, en Suède, il y a de ça 3 ans, je pense. Ouais. En quart de finale, il y avait 2000 personnes dans les estrades pour un match avec la Suède, même, ou avec des pays limitrophes, la Finlande et tout ça, des pays quand même qui attiraient beaucoup dans ces pays-là. Tu sais, c'est très relatif. C'est juste que dans un centre belle à 21 000, quand il y a juste 10 000, ça a l'air très, très parsemé. C'est un siège sur deux, même pas qui est occupé par des paires de fesses. Ça a l'air vide, effectivement, mais c'est pas si tant pire. C'est juste que Montréal a un peu de l'air fou parce que la moitié de l'amphithéâtre est vide présentement. Mais je pense que si Canada réussit à gagner là, dans les demain contre la Suède, même demain contre la Suède, il risque d'y avoir pas mal plus de monde qu'il y a 10 000. Et puis pour la finale, soit de la médaille de bronze ou la médaille d'or jeudi, ça risque d'être très intéressant pour les foules de ce côté-là. Mais effectivement, là, tu sais, je pense qu'il y aurait peut-être du monde qui aurait peut-être pu donner un peu plus de promotion. Ou tu sais, voyez des gens qui disaient qu'il aurait fallu baisser vraiment les prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais en même temps, faut pas que tu donnes non plus tout ce que tu peux vendre. Puis c'est supposé de vendre le hockey junior, le meilleur joueur au monde. Puis c'est pas un flop, mais c'est pas les foules escomptées du côté de Montréal. Bon, on peut comprendre pourquoi il y a plusieurs raisons. Puis c'est expliqué. Ben, effectivement. Puis après les fêtes aussi. Tu sais, Montréal est reconnu comme une ville événementielle. Montréal est. Le Grand Prix fonctionne quand même assez bien. Le tournoi de tennis fonctionne bien également. Montréal, c'est jamais reconnu comme une ville de sport. Ça. C'est une ville du Canadien. Par contre, les événements, ça marche bien. Et là, quoi? Donc, c'est quoi qu'on parle? C'est probablement... Après les fêtes, moi, je trouve que c'est une belle explication. Tu sais, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Ouais. Ben, c'est pas fou. Puis, tu sais, j'entendais la suggestion de certaines personnes peut-être dire, tu sais, la prochaine fois, pourquoi pas le mettre au nouveau complexe là, pour la Ligue américaine du côté de Laval. Ça pourrait peut-être être intéressant, mais... Oui, exactement, parce qu'en finale, tu vas vouloir avoir le Sandbell parce que tu vas être capable d'attirer pas loin de 21 000 et quelques, là, ce qui est la capacité maximale du Sandbell pour un match de hockey. Est-ce que tu aimes les chances du Canada? Il me semble que devant le filet, c'est loin d'être stable. C'est le problème du Canada depuis plusieurs années. Pas capable de se trouver un gardien de but qui va... Tu sais, il y a eu des années que je me rappelle, les Jimmy Wade, des Marc Denis, ensuite on a eu plusieurs bons gardiens de but, Zachary Foucalé, je pense, a même gagné la médaille d'or. Et cette année, on est encore une fois, on y va avec un ménage à deux et ça fonctionne pas. Et ça, c'était inquiétant là, à l'approche des gros matchs. Là. T'as pas encore ton gardien de but numéro un? Non, exactement. Puis tu viens, il y a ça quelques années, Hockey Canada avait interdit aux gardiens européens maintenant de venir dans la Ligue canadienne pour développer des gardiens juniors canadiens ou en tout cas nord-américains. Puis, visiblement, ça n'a pas été une mesure qui a favorisé l'excellence dans les gardiens de but au Québec ou en tout cas au Canada. On a très de la misère avec M. Hart et M. Ingram présentement. Tu sais, il y avait Evan Fitzpatrick puis Callum Booth qui étaient dans le programme qui ont très bien fait dans les matchs Canada-Russie sous Saint-Georges et à Bécomo. On les a même pas invités au camp d'évaluation. En fait, pas au camp d'évaluation, mais au camp final, là, juste au début du mois de décembre, du côté de Boisbriand. Je pense qu'on aurait eu avantage depuis 2 ou 3 ans. On a comme les députés, là, juste pour avant le tournoi. On amène seulement 2 gardiens, puis la compétition est terminée avant la fin. Ouais. Tu sais, je pense qu'un gardien de but, là, c'est quand c'est hot que c'est important qu'il soit devant le filet. Tu sais, c'est un momentum. Présentement, il y aurait peut-être eu des gardiens mieux que ça dans la LCH, dans la Ligue de l'Ontario peut-être, qui sont hot présentement, qui auraient pu faire un meilleur boulot que Ingram et Hart. Oui, c'est inquiétant, mais heureusement, le Canada est capable de marquer plus de buts que les autres équipes. À l'attaque, ils sont excellents. Gauthier, hier, a été très bon avec 2 buts. Roy, pas loin de ça. Dubois, tous les autres joueurs là, de l'équipe Canada Junior sont capables de marquer plusieurs buts. Oui, ça va être difficile contre les Suédois. Mais écoute, je vais au match là, de la médaille d'or jeudi soir, fait que je me croise les doigts. J'ai mon chandail d'équipe Canada Junior, puis je veux que l'équipe Canada soit là pour voir Nicolas Roy, puis pourquoi pas contre les Russes, qui pourraient surprendre les Américains et voir un petit duel entre German Rupsov et Nicolas Roy du côté du Sandbell le jeudi. Hey, le Danemark, c'est donc bien le fun. Le quoi? Le Danemark, c'est le fun. Le Danemark, c'est arrivé, là, on va dire, en affaire pour l'évolution du hockey. Là, il y a quelques années, c'était la Suisse. Et là, la Suisse n'est pas tellement loin de la Finlande et de la Suède et ces pays-là. Là, le Danemark qui fait une progression intéressante. C'est le fun pour le hockey, ça. Effectivement, puis c'est des partisans bruyants, c'est des passionnés de hockey, ceux qui participent. Je les avais vus en 2008 au championnat mondial de hockey à Québec. Le Danemark était présent, puis... Ils perdaient 7-1, 9-2, 8-0, 4-1. Mais pendant tout le match, tu avais des Danois avec des cornes à la tête, puis des cruches d'eau de 18 litres versées à l'envers. Puis ça tapait avec des baguettes là-dessus, puis ça faisait du bruit pendant tout le match. Puis à la fin des matchs, ça faisait le tour de l'aréna pour saluer les partisans puis donner un petit peu leur spectacle. Puis c'est formidable ce qui est en train d'arriver avec ces nations-là. Un peu moins ce qui arrive avec la Finlande présentement. Pour moi, tu sais, c'est dire la parité à quel point. La Finlande qui gagne l'année passée, présentement, sont en train de se battre pour leur survie dans le gros championnat mondial de hockey junior. Voilà. Mais effectivement, le Danemark, là, c'est une belle histoire. C'est une belle nation de hockey, puis c'est des passionnés. Et puis, ce serait pas surprenant de voir des petits LR, puis des Dirkals. Dirkals, je ne joue pas là pour la Lettonie, mais des joueurs comme ça là, se présenter dans la Ligue canadienne de hockey, des bons joueurs complets, bien développés dans leur pays. Puis maintenant, avec la KHL, là, je sais que l'économie n'est pas très bonne présentement, mais il y a quand même plusieurs bonnes ligues là, du côté de l'Europe, puis les ligues 1 là, en Suède, en Finlande. Il y a quand même de la belle place là, pour effectivement, puis les Danemark n'y échappent pas là, pour développer leur hockey. Non, ces nations-là, dans les prochaines années, vont être à surveiller, mais de par le nombre, là, le Canada, la Suède, la Russie, Puis les États-Unis vont toujours être quand même des nations à surveiller dans ces championnats-là, mais il va toujours avoir des surprises. Le Canada qui va terminer sixième comme l'an passé en Finlande. La Finlande, justement, qui se bat présentement pour la relégation. Ça va arriver à chaque fois. Puis c'est ce qui fait la beauté du championnat mondial de hockey junior. C'est très court, c'est très difficile de créer de la chimie entre les équipes. Mais plus le tournoi avance, des fois, on voit des belles affaires se produire. Hier, avec l'équipe Canada, il y avait Dubois, il y avait Gauthier, il y avait Roy réunis sur un même trio. Puis ils ont très bien fait, en fin de rencontre particulièrement. C'est formidable de voir ça. Puis on est chanceux d'avoir ça au Canada présentement. Effectivement. Sébastien, on s'en reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Salut, Ben. Voilà, la chronique des Seigneurs. Je vous explique, Sébastien Morin.